Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais lors des fêtes, les Français ont coutume de manger beaucoup. Comment faire pour mal manger, pour rater son réveillon? Comment faire pour commettre un super fail gastronomique? Coucou, c'est moi! Oh merde! Oh, c'est de ma faute, excuse-moi. C'est rien. De toute façon, j'ai du verre blanc, ça porte chance. Grande Pierrot, ça va? Un petit peu en avance, non? Non, ça va. Remarque, vaut mieux ça que d'être en retard. Tiens, pour me faire pardonner. Ah, c'est du persil. Ah ben non, c'est un bouquet de fleurs. Salut René, comment tu vas? Bonjour. Je suis pas à toi tout de suite, j'ouvre les huîtres là. Bon, t'emmerdes pas, on les mangeant avec les coquilles. Pierrot, je suis un marrant, moi. Salut l'Asie! Salut Pierrot! Alors, t'es toujours pas retourné dans ton pays, toi? Toujours comique, hein, comique celui-là. Ah, mais dis donc, t'as rajeuni. Ah non, elle a rajeuni. Rajeuni, hein. Ah, tu les fais pas tes 70 ans. Mais c'est pour déconner. C'est un crevé, Pierrot. Hein. Alors, bon, dis donc, Pierrot. Oh, oui, alors. Venez. Tu vas nous offrir l'apéritif. Le carburant, là. Et moi, j'ouvre les 8-10 à la minute, j'en ouvre. Regarde avec quoi il ouvre, ça. Regarde bien comment je fais. Regarde là. Hop, là, je tourne et hop, putain. Oh, putain. Il s'est fait mal. Fais gaffe. Luc Dubanchet, bonjour. Vous êtes journaliste et créateur du Festival Omnivore et je vous ai convié pour ce Super Fail pour que vous nous expliquiez ce qu'il y avait de pire selon vous dans la gastronomie de fête. Qu'est-ce que mal manger, quels sont vos conseils en matière de mauvais goût? Ah bon, on a commencé fort quand même, mais je crois que le pire, c'est surinvestir son réveillon ou les fêtes, c'est-à-dire vouloir en faire trop bien, trop lourd, trop en avance et pour tout le monde, quoi. Donc c'est le premier conseil, c'est surtout ne pas surinvestir. Alors on va sous-investir, mais vous qui avez l'habitude de fréquenter les bons restaurants, qu'est-ce qu'on peut trouver de très mauvais dans les bons restaurants? J'ai eu un aperçu il y a quelques jours dans un restaurant que je ne nommerai pas, dans une ville que je ne nommerai pas, mais c'était en France. Mmh. Et c'était, à mon avis, ce qu'il faut absolument pas faire. C'est l'association de tous les produits un peu phares du moment. Donc il y a de l'huître, alors on vient d'en entendre parler à l'instant avec les inconnus, il vaut mieux les ouvrir correctement. Une huître qui était crue, avec des pommes Granny Smith, que personnellement moi je déteste, et du chou kale. Et le chou kale, vous savez, c'est ce chou très très moderne qu'on trouve dans les grandes épiceries, très très cher, et qui a une sorte de texture très granuleuse, qui peut, s'il est mal cuit, être absolument imbouffable. Oui, on a un peu l'impression de manger du papier. Et c'est exactement ça, du papier mâché. Et là, donc, c'était à la fois une huître qui n'était pas de la première fraîcheur. Il faut dire qu'on n'était pas à Paris ou sur les bords de mer. Donc, à l'intérieur de la France, ça reste compliqué de s'approvisionner en très bonne huître. Une huître un peu moyenne, avec des Granny Smith qui sont vraiment le bas de gamme de la pomme. Et la texture absolument dégoûtante du chou kale dans une sorte de brouet qui était vaguement gélifié. Ça, c'est le pire qu'on peut faire. Mais c'est aussi ce qu'on va retrouver globalement dans beaucoup de magazines de cuisine. Et qu'il faut, je pense, absolument pas suivre. Quels sont les modes terribles du moment en matière gastronomique? Alors, du Dubanchet? Le chou, ça en fait partie. Je pense qu'après, c'est tous les produits qui sont soi-disant des produits haut de gamme et qui finalement se transforment en produits de très moyenne gamme. Je pense au foie gras, qui peut être évidemment sublime quand il est fait dans les règles de l'art avec des volailles IGP qui viennent du sud-ouest et des foies qui sont gavées au maïs. Le problème, c'est que 99% des foies viennent ou de Bretagne ou de Hongrie. C'est encore pire, et donc sont absolument mal transformés. On se retrouve avec des produits qui sont très chers, finalement, à l'achat, mais qui sont pas de bonne qualité. C'est la même chose pour la truffe. Qu'est-ce qu'elle a, la truffe? La truffe, elle est malmenée. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un processus naturel, c'est un champignon, il pousse pas partout, et dans certaines régions en France, ça coûte évidemment très cher, et il vaut mieux l'acheter très cher, parce que quand on l'achète pas très cher, c'est de la truffe de réforme, c'est de la truffe qui est de bas de gamme. C'est quoi, la truffe qui a été souvent gelée, alors elle a gelé dans le sol, on l'a décavée, donc on est quand même allé la récupérer. Et puis ça devient des petits cailloux noirâtres qu'on fait généralement tremper dans une sorte de saumure qu'on met dans un bocal, et quand vous l'ouvrez, ça sent absolument pas le champignon, ça sent plutôt la mort, et quand vous la coupez en deux, vous avez une surface noire uniforme, alors que la truffe, c'est des vénures blanches absolument délicates et délicieuses, et ça doit faire un champignon croquant en bouche avec évidemment ce parfum de truffe très très prononcé. Cela dit, la truffe petite bille noire dans la saumure, vous allez les payer plus cher que la truffe fraîche que vous trouverez soit sur des marchés, soit chez les traiteurs. Donc il faut faire attention à ça, c'est tous les produits qui sont surestimés. Et indépendamment donc de la truffe, on trouve aussi du saumon. Ouais, mais ça, Qu'est-ce qu'un mauvais saumon? Bah, c'est du saumon. Tout bêtement, c'est du saumon parce que le saumon, tel qu'il est fait globalement à 98%, on est à 99 avec la truffe, enfin 98 avec le saumon, qu'il soit en Norvège ou en Écosse avec de l'élevage, et même s'il est avec les fameux labels rouges, on peut pas dire que ça soit les meilleurs élevages du monde. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui d'environnement, il faut quand on mange du saumon se rendre compte de l'impact que ça a. D'abord sur les poissons, c'est des dizaines de milliers de poissons sur une zone qui est très petite. C'est souvent aussi des souillures qui sont mangées par les poissons du dessous, qui se nourrissent de ceux qui sont d'au-dessus. Et puis, donc ça donne une chair qui est trop grasse, ça donne une chair qui est absolument souvent très mal fumée. Et il vaut mieux préférer, au fond, un maquereau, il vaut mieux préférer quelques poissons fumés. Alors, il y a quelques poissonneries comme ça qui font des poissons fumés absolument délicieux, qui ne sont pas du saumon, et qui sont bien meilleurs, et qui sont moins chers. Le maquereau est préférable au saumon? Le maquereau est préférable au saumon. J'allais même dire que la sardine, quand elle est fraîche, ça dépend où on se trouve. Si on est dans le sud-est, ça sera plus simple. Ça sera vraiment meilleur et vraiment plus appréciable qu'un saumon de très moyenne gamme. Le saumon, ça coûte 27 ou 30 euros au kilo aujourd'hui, hein, quand on l'achète. C'est-à-dire que c'est le prix du bœuf. Vous voyez la comparaison, alors qu'évidemment c'est pas du tout les mêmes produits, et à moins de trouver un saumon label rouge de l'Adour, il doit y en avoir deux par semaine, et c'est quelques restaurateurs qui les ont, et éviter le saumon, vraiment. Comment rater une volaille de fête? Alors, bah, d'abord, un, mal l'acheter, donc c'est toujours la recette du succès. Oui, mais alors là il y a une sorte de ligne directe, c'est d'aller au supermarché et de prendre une volaille label rouge qui aura, voilà, dont on ne connaît pas trop l'origine, avec une DLC, donc une date limite de consommation qui pourrait être juste tangente. Il vaut mieux aller chez un volailler. Et puis, il faut prendre, plutôt que d'acheter des chapons qui coûtent aussi très cher et qui sont pas forcément bien élevés, il faut plutôt aller sur des poulets ou des pintades. Une pintade, et notamment, il y a ce qu'on appelle des pintades chaponnées, qui sont des pintades qui sont finies avec du maïs et avec du lait. Ça donne des chairs délicieuses. C'est des volailles qui font 2 kilos, 2,5 kilos. Et donc, déjà, la choisir, c'est s'assurer qu'on aura en bouche un goût qui sera vraiment celui de la fête et pas celui d'un goût de faites passer. Deux, c'est la cuisson. Il faut une volaille, de préférence, la faire en deux temps. Quand c'est une volaille qui pèse 2 kilos, il faut commencer un four chaud à 220 degrés, c'est thermostat 6 ou 7, pendant une trentaine de minutes pour bien saisir. Il faut évidemment avoir juste badigeonné la volaille, la peau de la volaille avec soit de l'huile d'olive, soit du beurre. On met ça au four pendant 30 minutes, et donc à 220 degrés, et ensuite on baisse le four pendant une heure à thermostat 160, c'est-à-dire on est autour de 5, de manière à faire une cuisson très lente. On arrose la volaille pour faire une volaille moelleuse, on évitera d'avoir un bout de bois en bouche, qui fait toujours mauvaise impression. Mauvaise impression, d'autres manières de rater son réveillon, parce que en France, généralement, on a l'habitude, par exemple, de rater les pâtes ou de rater le riz, parce qu'on risotto. Grand plat de réveillon aussi éventuel, le risotto. Alors, ça peut être un fail total, le risotto aussi. Comment on fait? Eh ben, il faut avoir un bon riz, un riz arborio ou carnaroli, peu importe. Ça se trouve dans les épiceries aujourd'hui, il y en a partout. Et en fait, la cuisson du risotto, c'est 22 minutes. Ah, c'est pas 18 minutes comme c'est marqué sur le paquet. Non, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'origine du riz, c'est un peu d'oignon dans une poêle, un tout petit peu d'huile d'olive, on met le riz carnaroli dans la poêle, dans le faitout, et on verse de petit à petit du bouillon, et il faut entendre le cri du carnaroli. C'est-à-dire qu'il faut que le bouillon, c'est une louche de bouillon. Alors, ça peut être un bouillon coupe, c'est mieux de faire un bouillon de légumes, mais bon, c'est pas très grave au fond. Un peu ça peut être un bouillon de volaille d'ailleurs. Et on met une louche de bouillon chaque fois toutes les 3 minutes, le riz va absorber et on entend crisser légèrement le riz au fond du poêlon. Et donc là, c'est bon signe. Alors, il ne faut pas qu'il accroche, hein. Mais ça veut dire qu'il est prêt à reboire. Donc le riz est prêt à reboire. Et donc vous le dites, je bois. Et donc vous le remouillez 22 minutes. Et après, vous avez un risotto que vous terminez avec du beurre, avec du parmesan, très généreusement. On peut mettre une toute petite pointe de crème. Moi, je ne suis pas fan, mais c'est possible. On assaisonne et on sert immédiatement. Ça ne supporte pas l'attente pour le coup. Mais c'est assez sympa parce que vous pouvez le faire devant vos invités. Et si on continue donc dans les plats de fête, alors est-ce qu'il y a des plats de fête que vous déconseillez parce qu'on est quasiment sûr de les rater, autrement dit de réussir un super fait, Luc Blanchet? Oui, c'est tout ce qui met la pression. Voilà. Alors tout ce qui est soufflé, on va vraiment éviter. Je pense que on peut aussi éviter totalement ce qui se faisait énormément il y a une trentaine d'années, qui revient bizarrement et qui est toujours chez les traiteurs, c'est les Saint-Jacques. Vous savez, qui sont remises dans la coquille et sur lesquelles on met à la fois un roublon, donc c'est une béchamel. Un roublon. Oui, une une béchamel. D'accord. On recouvre la Saint-Jacques. Généralement, il y a une demi-Saint-Jacques par coquille, hein, donc autant dire qu'il n'y a rien. On met un peu de champignons aussi. Absolument. Eh ben, il faut pas le faire. On remet de la béchamel et de la chapelure dessus. Avec une sauce au champagne parfois. Oui, ben voilà. Et donc ça c'est... Alors peut-être que certains invités apprécieront, hein, de genre inconnus, ils aimeront ça, mais globalement c'est quand même dégueulasse, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. C'est entre le champignon, la crevette surgelée et très très peu de Saint-Jacques. Il vaut mieux prendre de la Saint-Jacques. Elle coûte pas très cher en ce moment. Il faut l'acheter par 3 kilos. Vous faites décoquiller par votre poissonnier. Et en fait, la Saint-Jacques, c'est tout simple. Vous la badigeonnez un tout petit peu d'huile d'olive. Vous mettez dans une poêle du beurre salé. Vous faites légèrement fondre ce beurre salé, il va légèrement blondir, et vous poêlez la Saint-Jacques 2 minutes sur chaque face. Voilà. C'est et pas donc ça là, on a effectivement, d'après vous, ça, c'est une réussite. une recette réussie. D'autres choses qui sont extrêmement compliquées à faire. Généralement, les cuissons de viande ne sont pas idéales. Alors c'est pour ça que la volaille elle est intéressante, parce que vous pouvez la gérer très tranquillement, tout en buvant avec modération. Il faut éviter tout ce qui est bœuf. Le rôti de bœuf, etc. Alors, parce indépendamment des considérations écologiques. Mais parce que souvent, en plus, le boucher vous dit une bêtise. C'est-à-dire qu'il vous dit toujours c'est 45 minutes ou 50 minutes, sauf que c'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est en fonction de votre four, en fonction de la grosseur de la pièce, je pense de la pièce de bœuf que vous avez, et également de la qualité du bœuf. Donc, évitez les viandes rouges. D'abord, c'est pas très, je trouve, festif. Et puis, ça met une pression, et généralement, évidemment, 2 fois sur 3, c'est trop cuit. Eh oui, parce qu'en fait, l'ennemi, souvent, c'est le trop cuit, y compris pour les légumes. On a une passion pour le trop cuit en France. Oui, et puis alors, on apporte ça à table. On a dressé un beau plateau, un peu en faux argent, vous voyez. On a mis le bœuf au milieu, on a mis les pommes de terre, etc. Puis hop, la maîtresse de maison ou le maître de maison arrive, il sort son grand couteau, il coupe et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est noir. Alors, si on a survécu au repas, je veux dire au premier plat, il y a ensuite une manière assez intéressante de mal finir, c'est la bûche. Oui, bah, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas la faire. Ou alors, la faire très simplement, à l'ancienne, un biscuit roulé avec un peu de confiture au milieu, et éviter les crèmes au beurre, les choses comme ça, qui sont excessivement lourdes. La crème au beurre, est-ce que ça peut être bon, Ludivine? Oui, ça peut être délicieux, mais il faut vraiment avoir le tour de main. Personnellement, je ne l'ai pas, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Mais est-ce que vous trouvez, quand on va par exemple dans une pâtisserie, parce que souvent, quand même, des gens qui font la bûche eux-mêmes, alors ça c'est... Bah écoutez, fermez vos oreilles, vous savez, je pense qu'il y a 85%, hein, pour le pourcentage, des pâtisseries de Noël qui sont surgelées. Qui sont en fait totalement, non pas faites par le pâtissier, mais qui sont faites en amont par c'est des grands... C'est vrai. Mais bien sûr. Oui. Et donc, c'est un marché énorme. Hein, la bûche de Noël, le fond de tarte. Donc en fait, la bûche de Noël que l'on achète chez le pâtissier, elle a de fortes chances d'être tout simplement une bûche décongelée. Elle a été, oui, je pense dans au moins 3 fois sur 4, c'est une bûche décongelée. De toute façon, pour faire face aux commandes, le pâtissier fait ses bûches auparavant et les congèle, dans le meilleur des cas. Bon, ça c'est... Ça c'est une bonne guerre, ça se passe de la même manière pour la galette des rois et toutes les grandes fêtes qu'on a en France. Mais aussi, la plupart du temps, ce sont des bûches qui ont été achetées, déjà toutes prêtes, auprès de grands fournisseurs qui ont pignon sur rue. Et alors donc ça veut dire que c'est forcément mauvais? Ça veut dire qu'en tout cas, vous allez avoir en bouche une sorte de mousse qui va vous rappeler vaguement l'huître et le chou-kale et qui n'est pas forcément du meilleur ton quand on finit un repas. Un repas, ça peut se terminer magnifiquement aussi par un sorbet, par une glace. Il y a des choses magnifiques aujourd'hui sur les marrons, sur les châtaignes, même une très belle glace à la vanille achetée chez un glacier vaut mieux, je pense, qu'une mauvaise bûche. Une idée en matière de mauvais vin ou de mauvais champagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr de, à la fois, connaître l'ébriété dans de mauvaises conditions, mal boire, l'ébriété sobre? C'est commencer par, déjà, de toute façon, un champagne surdosé, c'est-à-dire qu'il va être un champagne très sucré, avec une liqueur de sucre qui a été rajoutée, c'est aussi le cas dans la majeure partie des champagnes. Il vaut mieux acheter un champagne brut, ou il faut préférer aussi un pétillant naturel, c'est-à-dire des pétillants qui n'ont pas d'ajout de sucre, qui vont vous apporter justement dès le début du repas cette forme de lourdeur au palais qui va de toute façon vous plomber jusqu'à la fin du repas. Et puis après, c'est aussi acheter des vins qui sont pas forcément des vins chers. C'est acheter de préférence des vins qui sont abordables, mais qui vont aussi correspondre au plat que vous avez fait. Donc ça peut être des très jolis blancs dans la Loire par exemple. On n'a pas tellement l'habitude d'aller là-bas, mais on peut essayer. Je parle pas du Sancerre, je parle aussi de toute la partie de la Loire qui fournit des chenins absolument magnifiques. Ça coûte 10 euros, 12 euros et ça vaut vraiment le coup. On va éviter les grands vins tanniques qui vont aussi vous apporter en bouche ce côté très râpeux. Il faut aussi, pourquoi pas, si on veut aller sur des vins forts, aller dans la vallée du Rhône, sur des Saint-Joseph, sur des Côtes-Rôties, sur des choses qui sont un peu plus chères mais qui sont belles. Et puis on évitera de finir par des alcools lourds, quoi. Un mauvais vin cher à conseiller à nos auditeurs s'ils veulent rater la boisson en matière de réveillon lumineux. C'est un champagne de marque. A priori, ça va vous coûter très très cher et vous n'aurez assez, vous aurez assez peu l'occasion de l'apprécier. Et puis, c'est aller, oui, vers des pseudo grands crus classés ou des deuxièmes vins de grands crus classés en Bordeaux. Ou alors des Bourgognes de négociants qui, la plupart du temps, c'est absolument infect. On a sauté le fromage. C'est facile de rater le fromage? Bien sûr, on va dans un supermarché, ou alors on achète du fromage même frais, on le met au frigo, on ne le sort pas, et on le sort que avant de le servir. Mmh. Et donc là, vous avez des blocs de plâtre, quel que soit le fromage, que ce soit pâte dure, pâte molle, et vous êtes sûr vraiment de ne pas apprécier ce moment du fromage, qui peut être absolument délicieux. Un vrai Vacherin, un Mont d'Or, sorti 2 heures avant de commencer le repas, que vous laissez comme ça à température ambiante, vous plongez une cuillère à l'intérieur, vous rajoutez pas de vin dedans, rien, vous avez juste ce côté crémeux en bouche, avec un joli pain, c'est délicieux. Le pain aussi. Le pain, justement, j'allais en parler. Alors, les choses se sont un peu améliorées, mais globalement, à vous, vous êtes pas d'accord. Non, mais il y a de tout. Donc, c'est à la fois, oui, il y a une boulangerie magnifique aujourd'hui qui fait des pains au levain, donc ce sont des pains qui ont des longues conservations, qui sont généralement des pièces de 1 kg, 1 kg 2, qui peuvent vraiment tenir pendant 3-4 jours et qui vous donnent en bouche ce goût délicieux de farine, de levain qui est ce pain à l'ancienne. Et puis il y a ce pain blanc qui continue d'être, c'est la baguette française majoritairement, avec de la levure, et qui n'a pas des très grandes qualités gustatives. Donc vous pouvez aisément vous planter en allant acheter des pains. Alors c'est aussi des pains assaisonnés, des pains avec des noix, avec des raisins, etc., qui vont aussi renforcer ce côté plâtre que vous allez, alors qu'il va aller parfaitement bien sur le fromage, les camemberts que vous allez acheter, que vous ne sortirez pas du frigo à temps. Voilà. Il y a des modes gastronomiques que vous félicitez d'avoir vu disparaître, Luc Dublanchet. Oui, c'est tout le côté poche, quoi, de la cuisine. C'est-à-dire le côté, faussement luxueux, le côté prétentieux, prétentiaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait avant l'on n'a plus? Ça n'a pas totalement disparu, d'ailleurs. La langouste, par exemple, ça fait partie. C'est le fail total, la langouste. N'acheter. Pourquoi? Si vous voulez avoir le bas de gamme, achetez de la langouste, quoi. Et mettez-y 2 kilos de mayonnaise, avec la petite poche à douille, comme ça. C'est déjà tout prêt, d'ailleurs, chez les traiteurs. Là, vous êtes sûr. Mais, alors, ça faisait partie, je pense, vraiment des choses intangibles du réveillon. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus lointain. Alors, il faut dire qu'on a de moins en moins de langoustes. Donc moi, comme ça arrange tout le monde. Voilà. Mais tout ce qui est, oui, effectivement, faussement luxueux, ça, c'est. Je pense que plus on va vers le naturel, mieux c'est, et plus on a des chances de passer un réveillon no fail. Bon, vous avez des idées en matière de ratage, de discussion, de réveillon? Voilà, je pense que les gilets jaunes, ça sera la première discussion du réveillon, hein. À la fois celui de Noël et celui du jour de l'an. Je pense qu'Emmanuel Macron sera aussi un très bon sujet de discussion. Bonne manière aussi de s'engueuler. Bon, la droitisation de la France aussi. Je pense qu'il y a plein de sujets qu'on pourra aborder sans aucun problème pour se mettre sur la figure. Au moins, ça change du conflit israélo-palestinien qui était jadis, hein, en quelque sorte, la recette certaine pour foirer le réveillon. On peut aussi le réintroduire en dessin. Merci beaucoup. Merci Luc Dublanchet. Je rappelle que vous êtes journaliste et créateur du festival Omnivore. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Amine Elmansari à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.